sa cache, moi qui ai besoin, on te guérie. Si vous te fais bon temps, tant moins à la dérive. Croyez, c'est réglé pour moi, et si fragile encore. À contre sens, moi qui cherche l'amour. À contre sens, qu'à courir de y plaisir. Okay.